Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et dans le cadre de notre série consacrée à l'adieu au pouvoir, Georges Pompidou, mort le 2 avril 1974, alors que son mandat courait encore pour 2 ans. Un cas de figure inédit sous la Ve République. Ce président-là est certainement le moins connu des 8 qui ont accédé à l'Élysée. D'abord, à cause de la relative brièveté de son mandat, après tout 5 ans, c'est le format d'aujourd'hui. Et puis, Georges Pompidou, c'est une normalité. Oui, mais de façade. Car en vérité, l'homme a une façon très particulière d'envisager sa vie, son rapport aux Français, les questions de transparence, les éléments de communication médiatique et sa maladie, contre laquelle il a lutté avec tant de courage. Mais quelle était donc cette époque que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître? Ces fameuses 30 glorieuses, faites d'insouciance et de croissance, et que Georges Pompidou incarne mieux que personne en France. Notre invité aujourd'hui, Christian Delporte, historien spécialiste des médias, auteur notamment d'Histoire de la presse en France, 20e et 21e siècle, chez Colin, publié en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je n'ai de leçons de gaullisme à recevoir de personne. Vous m'entendez? De personne. Quelle que soit la grandeur du personnage et le rôle qu'il a joué, l'horloge mondiale ne s'est pas arrêtée en avril 1969. Ça s'est envoyé. Commençons d'ailleurs notre récit par une mort, celle de l'amitié scellée depuis 20 ans entre 2 hommes, le général de Gaulle et Georges Pompidou. Une rupture qui surgit après mai 68. Déconcerté par la révolte étudiante, le général laisse Pompidou gérer la situation. Oh, il le connaît bien, son premier ministre. Cela fait 6 ans qu'il tient la barre à ses côtés, un record inégalé dans l'histoire des mandatures à Matignon. Et il sait à quel point il est arrangeant, placide, et à quel point il aime les étudiants. Il les a bien connus d'ailleurs, du temps où il était enseignant. Car le dauphin du général n'est pas un énarque ou un militaire, non. Lui, c'est normal sup, alors que les autres, c'est plutôt l'ENA, l'inspection des finances, la technostructure, quoi. Et il ne vient pas non plus des rangs de la résistance, comme beaucoup de dignitaires gaullistes. Alors, le caractère aléatoire de la clandestinité, la tradition du secret des réseaux, ce n'est pas pour lui, même s'il ne montre aucune complaisance envers Vichy. À la fin de la guerre, cependant, il éprouve une vive admiration pour De Gaulle. Alors que le régime de Vichy s'effondre et que se met en place le gouvernement provisoire, Pompidou comprend que des places sont à prendre. Il parvient à entrer au Conseil d'État, puis à la Banque Rothschild, en dépit de son profil littéraire. Mais il s'adapte, et en bon épicurien, mène grand train, avec sa femme, Claude. Il passe ses vacances à Saint-Tropez, s'initie au golf, publie une anthologie de poésie, roule en Porsche, ce qui n'empêche pas de déjeuner régulièrement avec le général de Gaulle, à Colombey, jusqu'à se laisser happer de nouveau par les honneurs de la politique. Car enfin, comment refuser, le 8 janvier 59 en l'occurrence, le privilège de descendre à ses côtés l'avenue des Champs-Élysées? Le général de Gaulle, président de la République, vient de me nommer Premier ministre et m'a demandé de former le gouvernement. Ainsi, à la surprise générale, le 16 avril 1962, Georges Pompidou est nommé Premier ministre. L'enfer de Matignon? Non, pas pour lui, même si les années OS sont difficiles. Car il a un moteur, le Premier ministre, la modernité à tous les étages, y compris dans l'art. Et puis, il croit à la paix, sans doute en souvenir de ces années où, je le cite, les Français ne s'aimaient pas. Le 1er août 62, au JT de 20h, il revient sur ses débuts. Vous savez que je n'avais jamais été parlementaire, que je n'ai jamais été membre du gouvernement, et par conséquent, cette première session, c'était aussi pour moi l'occasion d'aborder pour la première fois le Parlement, la tribune du Parlement, et d'y monter pour la première fois comme Premier ministre ne va pas sans quelque appréhension. Si j'étais acteur, je dirais qu'au départ, j'avais quelque peu le trac. À vrai dire, j'ai l'impression de m'être habitué assez rapidement au Parlement et à son ambiance. C'est sans doute parce que j'ai rencontré, sur le plan personnel, beaucoup de courtoisie, de sympathie, je crois, de cordialité, et que l'on n'a pas cherché à me compliquer la tâche. Eh bien, les Français, eux aussi, l'apprécient. Et ils apprennent à le connaître avec son allure débonnaire, ses sourcils broussailleux, ses cigarettes vissées au coin des lèvres. Il a un vrai style. Et s'il a accroché deux soulages et un stèle dans son bureau, c'est pour qu'on comprenne qu'il a du goût. Oui, un goût moderne, qui le pousse à épouser les évolutions sociétales. C'est sous son magistère, par exemple, que la loi de Wirth qui autorise la pilule est créée, en décembre 67. Et puis, de Gaulle laisse lancer ses grands projets, aménagement du territoire, développement industriel, développement de l'aéronautique, de l'aérospatial, du nucléaire, en un mot, développement. Pas forcément durable, celui-là. Avec les coups des franches, au premier ministre l'intérieur, au président Le Monde, l'un gouverne, l'autre préside, le duo fonctionne bien, la France baigne dans une expansion difficilement imaginable de nos jours, 5% de croissance annuelle pendant 6 ans, et une industrie de l'automobile florissante. Que voulez-vous, disait Pompidou, qui au passage parlait de lui, les Français aiment la bagnole. Oui, mais c'est sans compter l'imprévu, levier central et passionnant de la politique, qui en mai 68 voit la jeunesse s'embraser. Une jeunesse que le vieux général ne comprend pas et qu'il excède. Alors que Pompidou, lui, arrondit les angles avec les étudiants et lance auprès des syndicats ouvriers les fameux accords de Grenelle. Et là encore, c'est un succès. Pourtant, il se sent méprisé. Avait-il oublié qu'en cas de crise, le Premier ministre est infusible ? Oui, il est là pour protéger le président, prendre les coups à sa place. On ne touche pas au chef de l'État en France, c'est comme ça. Sur France Inter, le journaliste Pierre Rouanet se souvient de l'amertume de Georges Pompidou à cette époque. Et il m'a dit, je calcule tout depuis mai 68 parce que le général de Gaulle n'a pas suffisamment tenu compte de la confiance et du dévouement que je lui avais exprimé pendant 20 ans. En vérité, le vieux général est irrité par la réussite des bonheurs de son premier ministre. Le 1er juillet, la France se réveille avec deux hommes à la tête de l'État. Et visiblement, il y en a un trop. Note Frédéric Abadie et Jean-Pierre Corselette dans leur biographie intitulée « Pompidou, le désir et le destin ». Alors, le 10 juillet 68, de Gaulle le remplace par le discret Maurice Couve de Murville, dont Pompidou disait « Il a des mains d'étrangleur ». Ambiance. Et la dernière pelletée sera un fait divers, une boule puante nommée affaire Markovic, montée de toutes pièces par ses opposants. Un épisode qui montre que le général ne renvoie pas l'ascenseur. Non, il ne protège pas son premier ministre. Mais protège-t-on un fusible ? Aussi, après sa démission de Matignon en avril 69, c'est sans scrupule qu'il se déclare candidat à sa succession. De Gaulle s'étrangle et Pompidou imprime un style, son style, comme un vent de modernité, encore et toujours. Eh bien, c'est que vous le savez, après la décision du général de Gaulle de renoncer à son mandat, et dans l'incertitude que connaît actuellement le pays, j'ai résolu de me présenter au suffrage des Français. En le faisant, j'ai conscience d'obéir à mon devoir. J'ai la volonté de maintenir une continuité, une stabilité nécessaire et j'ai l'espoir de préparer l'avenir. De Gaulle ringardisé. Chut, on ne dit pas ça à l'époque. Il s'agit donc maintenant de préparer l'avenir. Georges Pompidou est élu président avec plus de 58% des suffrages contre le centriste Alain Poher, président du Sénat, et nomme Jacques Chaban-Delmas à Matignon. Lequel tentera immédiatement de montrer sa modernité, la sienne, axée autour d'un physique avantageux, une allure de sportif, qu'il était réellement. Rugby, tennis. Mais comment succéder dignement au libérateur de la France, cette figure tutélaire ? Pompidou met tout en œuvre pour se libérer de l'image iconique de son prédécesseur. Malin et en guise de pied de nez au général, il déclare « Les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas grand-chose à dire sur mon mandat. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Un peu quand même. » « Le changement, c'est aussi le style qu'il propose aux Français. Décontracté, aux antipodes de la distance médiatique imposée par les couples Germaine et René Coty, par exemple, ou Yvonne et Charles de Gaulle, bien sûr. Les Pompidou, eux, acceptent d'ouvrir aux caméras leur maison de Cajard, dans le Lot, et d'Orvilliers, dans les Yvelines. Pompidou s'y montre détendu, joue au flipper, consulte les horoscopes, prend l'apéritif avec Bibiche, surnom affectueux qu'il donne à son épouse vénérée, Claude, cigarette au bec, elle aussi. C'est moderne, ça. En somme, c'est le début de la pipolisation de la vie politique sous le règne naissant de la télé. Et les Français apprécient ce genre de mise en scène intime. Mai 68 est passé par là, probablement. Ici, sur le Causse, face à un cirque profond, le couple se laisse filmer. Et là, c'était les maisons des ouvriers, probablement. Pas au bar, parce qu'il n'y a rien qui me donne vertige comme ça que de voir quelqu'un au bar. Écoute. Oh non, non, écoute, je t'en prie. Moi, je n'aurais pas pour aller, moi, mais je ne suis pas supporté de voir quelqu'un en... Trop au bas. Ça, c'est impressionnant, hein. Quand même, si on voulait tuer quelqu'un, il va le pousser. Non, écoute. Oh, écoute. Qu'est-ce que ça peut te faire d'être là ou là? Mais je veux voir le fond. Écoute, tu verras. Non, parle avec moi, alors, un autre jour. Écoute, alors. Ça me fait peur. Et on dit que je suis autoritaire. Enfin, Bibiche, scène de la vie conjugale, sympa. C'est là, d'ailleurs, toute la subtilité de cet homme qui parvient à imprimer sa marque, comme on dit aujourd'hui, et à inventer le concept du président normal, assumer ses racines rurales tout en se montrant féru d'art. C'est lui, en effet, qui fait entrer le plastique à l'Élysée, le design de Pierre Paulin, l'art cinétique d'Agam et de Vasarely, que de transformation. Pourtant, la jeunesse le boude. Alors il tient bon, en dépit de sa fatigue, de ses impromptus saignements de nez. En vérité, ces symptômes apparaissent dès l'été 68, et peu à peu se multiplient, s'accompagnant de violents maux de tête. Que se passe-t-il? Oh, pas grand-chose. Trop de travail, sans doute. Alors on oublie. Mais un an plus tard, le professeur Robert Debré découvre une chute brutale de ses plaquettes sanguines et pose le diagnostic. Non, ce n'est pas la fatigue. C'est la maladie de Waldström, du nom du médecin suédois qui l'a découverte. Un nom impossible à prononcer, maugré Claude. Le couple comprend que l'heure est grave, car il s'agit d'une insuffisance de fonctionnement de la moelle osseuse, une forme rare de leucémie. Le traitement associe chimiothérapie et cortisone, d'où sa spectaculaire prise de poids, le visage boursouflé déjà, prélude à un long calvaire. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris, j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. France Inter. Affaires sensibles. Pompidou décide de taire sa maladie et désigne le professeur Vignolo pour le suivre. Concernant le soutien psychologique, il y a Alain, son fils adoptif, devenu médecin. Mais il impose à tout le monde de garder le secret. Face à ses absences, on parle de grippe à répétition. Et pour justifier son visage bouffi par la cortisone, on évoque son épicurisme. Un homme, toutefois, recueille une part de son secret. C'est l'encore jeune Édouard Balladur, qui a acquis sa confiance lors des accords de Grenelle. La scène se déroule durant l'hiver 69, à l'issue d'un déjeuner au Napoléon, tout près de leur bureau de la Tour Maubourg. Cette scène étrange, Édouard Balladur la raconte en avril 94 dans les colonnes du quotidien de Paris. À cette époque, il ne paraissait pas du tout malade, mais une réflexion qu'il fit m'est restée en mémoire. Il s'était levé de table avec une certaine difficulté, puis avait marché sur le boulevard avec une certaine raideur, si bien que je m'enquis auprès de lui s'il souffrait de rhumatisme. Et lui me fit cette réponse, « Des rhumatismes ? Peut-être. Enfin, si ce n'était que cela, puis nous parlâmes d'autre chose. » Mais il est sûr qu'il s'interrogeait déjà sur le mal qui allait l'emporter 5 ans plus tard. Un autre homme perce son secret dès son arrivée à Matignon. C'est Pierre Messmer qui a remplacé Jacques Chaban-Delmas à Matignon. 30 ans plus tard, dans les colonnes de l'Express, l'ancien Premier ministre se souvient. À mon arrivée à Matignon, selon la tradition, je lui demande une photo personnelle de lui, dédicacée. Quand je reçois le cliché, pris quelques temps plus tôt, et que je le compare avec l'homme en face de moi chaque mercredi en Conseil des ministres, je me dis qu'il est malade. 3 ou 4 mois plus tard, il me confie « Je souffre d'une maladie rare et bien compliquée. » Mais il y avait des rémissions qui le laissaient penser qu'il arriverait au terme de son mandat en 1976. Comme Pierre Messmer est un homme de parole, il ne laisse rien filtrer, même en off, et soutient qu'il n'y a aucun problème. Ainsi, aucun ministre n'ose aborder le sujet, et encore moins lui demander de démissionner. Une véritable conspiration du silence entoure la maladie du président. Longtemps, les collaborateurs de Georges Pompidou se souviendront de cette période étrange, difficile. Tous apprennent à repérer les signes de la souffrance. C'est une main posée sur le front, une grimace. Mais que faire, sinon respecter l'omerta? Pierre Tessier, alors chargé de mission au service de presse, précise « Il n'aurait pas été de bon ton d'en parler, cela ne se faisait pas. » Alors les journalistes renoncent à fouiller, on n'est pas en Amérique ici, on a des principes. Pierre Tessier se souvient de l'ingérence des médias anglo-saxons. « Il m'appelait sans arrêt, je ne savais plus quoi leur répondre. » Ce fut vraiment une période pénible. C'est ainsi que le ministre de l'Information, Jean-Philippe Leca, interdit à l'ORTF de diffuser des gros plans qui prouveraient la maladie. Silence d'État. Alors, le Nouvel Observateur se contente de titrer « Le pouvoir grippé ». Mais les images sont sans appel. Le 31 mai, lors du sommet franco-américain de Reykjavik, voilà le président français qui peine à descendre la passerelle de l'avion pour rejoindre le fringant président Nixon. Entre les deux hommes, le contraste est saisissant. Le visage de Pompidou ne trompe plus personne. Pour la première fois, le professeur Vignalou signe une attestation médicale pour justifier un énième jour de repos à la campagne. Motif ? Une nouvelle grippe. Début 1974, la maladie laisse au président de moins en moins de répit. Nous entrons dans l'ère des incertitudes, prévient-il, sibyllin, lors des traditionnels vœux à la presse, le 3 janvier, où il tient toutefois se montrer détendu, fumant ses habituels Winston, un verre de whisky à la main. Mais le 24 janvier, il montre toutes les peines du monde à monter les marches de la mairie de Poitiers, où il semble proche du malaise. Or, 2 jours plus tard, le voilà qui participe à une partie de chasse à Chambord. Coiffé d'un bonnet de fourrure, il se félicite des 50 sangliers et renards tués. Au micro de Jean Lebrun, dans l'émission La Marche de l'Histoire sur France Inter, sa conseillère Marie-France Garraud se souvient de cette étrange journée. À Chambord, qui est une chasse comme toutes les chasses de gros gibier, mais c'est pas à paras, etc. Au milieu de la déjeuner, il y a un verre avec un sandwich dans une cabane qu'on appelle l'Isba, qui est près des étangs. Et il se trouve que ce jour-là, Anne-Marie Dupuis, Juillet et moi sommes arrivés avec 3-4 minutes de retard sur le président. Les invités étaient là, lui aussi. Quand on est rentré dans cette cabane, il y avait une atmosphère très étrange. Le président était assis d'un côté tout seul à une table et les invités à 5 ou 6 mètres près du feu, ce qui est insolite. D'habitude, les invités sont toujours auprès du président. Alors, Juillet va voir le président, il lui dit « Qui souhaitez-vous voir auprès de vous ?» Et il a répondu « Oh, laissez Pierre, il me regarde. » Et si vous voulez, je crois que c'est la clé de ce qu'a été la maladie et la vieillesse. C'est pas l'homme qui change, c'est le regard des autres sur lui. Certes, le président est débonnaire, mais en aparté, il confie à Alain de Boissieu, le gendre du général, « Si mes analyses sont aussi mauvaises dans 15 jours, je me retire chez moi à Cajar. Et je dirai pour qui voter. Vous verrez, on va bien rigoler. » Rigoler ? En vérité, la période est crépusculaire. Et les journalistes s'en font l'écho. Monsieur Pompidou est grippé et tout le monde politique français a des quintes de tout. Il est vrai que c'est la première fois que l'Élysée se donne la peine de publier un communiqué en bonne et due forme signé du médecin du président. Pourquoi l'entourage du président a-t-il pris une telle décision ? Réponse très simple, en 2 ou 3 occasions déjà, au cours de l'année écoulée, le président a eu à souffrir d'affections grippales. Nous ne l'avons pas écrit, dit l'Élysée, et on nous l'a reproché. Cette fois-ci, nous l'écrivons pour couper court aux rumeurs, sous-entendu qu'on n'aille pas maintenant nous reprocher une attitude et son contraire. Couper court aux rumeurs, évidemment, c'est une autre affaire, surtout au cœur de ce curieux hiver, si propice à la propagation des virus de toute espèce, qu'il s'agisse de la santé du président ou de la longévité politique du Premier ministre. Mieux, le calendrier du début de la semaine prochaine est maintenu, au moins pour le moment, à commencer par le dîner que M. et Mme Pompidou offrent chaque année aux membres du gouvernement et qui doit avoir lieu lundi prochain. Et le président tient parole. Le 11 février, durant ce dîner offert aux ministres et à leurs épouses, il lève son verre et déclare « Je bois votre santé. » Et suivant une tradition auvergnate, je bois aussi à la mienne. Cela leur fait du bien de rire un peu. Puis, c'est le jeune humoriste Thierry Leluron qui monte sur scène et se lance dans un sketch où l'Élysée est à vendre. Un tabou se lève progressivement. Parallèlement, Pompidou reconduit le gouvernement Mesmer autour d'une équipe resserrée, composée de Valéry Giscard d'Estaing, Jean Tétinger et Olivier Guichard. Le jeune et fringant Jacques Chirac, lui, hérite du ministère de l'Intérieur. Car il faut tourner la page, et vite. Le monde change. Il est temps de se focaliser sur cette crise pétrolière inédite. Suite à la guerre du Kippour, en effet, le prix du baril, qui depuis 30 ans tournait autour de 2 $, vient d'être multiplié par 4 par les pays arabes. La France a donc pour nouvel objectif l'indépendance énergétique. Alors on lance 6 tranches nucléaires, ainsi que le chantier du premier TGV. Est-ce l'énergie du désespoir ? En tout cas, Pompidou ne lâche pas. Du 11 au 13 mars, il accepte l'invitation de Brejnev à le rejoindre à Pinsmunda, sur les bords de la mer Noire. Mais dès le départ, ce voyage est un calvaire. L'avion n'a pas été doté d'un lit, contrairement à la demande de l'équipe présidentielle. Et c'est Claude qui, lors du dîner officiel, doit le représenter. Elle refuse de croire à la tragédie qui se joue là, sous ses yeux. Souvenir d'Edouard Balladur au JT de France 2. Nous étions en terre étrangère, chez les soviétiques. J'avais quand même la crainte qu'on ait du mal à rentrer. Il a dit à son infirmière, « J'espère que je ne vais pas mourir dans cette terre lointaine. » Désormais, il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. Même les pots du lundi se sont espacés, eux qui réunissaient les proches collaborateurs autour d'un whisky, sous le regard chaleureux de Georges, un œil de curé, l'autre de canaille. Dixit Maggie Van Zwillen, la belle-mère de Guy de Rothschild, chez qui Pompidou travaillait dans les années 50. Comme ces années paraissent loin, désormais. Puis c'est son voyage au Japon qui est reporté sine die. Du côté de la presse, on commence franchement à s'agiter. Le 26 mars 1974, Le Monde titre « L'état de santé de M. Pompidou entretient un climat d'incertitude politique ». Et l'éditorialiste André Laurence écrit dans le journal Le Monde. Deux magazines, L'Express et Le Point, paraissent cette semaine avec en couverture la silhouette et le portrait de M. Pompidou. L'un titre « L'heure de vérité », l'autre « Le drame du président ». On trouve des articles sur le même sujet dans les autres hebdomadaires du lundi, Le Nouvel Observateur, Valeurs Actuelles et Paris Match. C'est dire combien l'état de santé du président de la République continue de préoccuper toute la classe politique. Que faire en de telles circonstances pour allier le sens des responsabilités à l'égard du pays et le respect dû à la vie privée de tout individu, fût-il le chef de l'État ? L'omerta se fissure et on lui demande de céder la place. Pompidou en a conscience et lors du conseil de ministres du 27 mars, il lance « À l'heure actuelle, ma vie n'est pas agréable, ni physiquement, ni moralement. Alors, on verra bien, mais j'ai le ferme espoir d'embêter tout le monde. » Façon de calmer les ardeurs de ses dauphins en leur faisant comprendre que non, il n'est pas prêt à démissionner. Il a alors 62 ans et 2 ans à tenir. En vérité, dans 5 jours, il ne sera plus de ce monde. Chaque camp commence à mesurer ses chances. Les gaullistes sont divisés entre Jacques Chaban-Delmas, qui active ses réseaux, et Pierre Messmer, qui est poussé par Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Qu'en pense Pompidou ? Que le premier trop creux, le second trop raide, voilà qui n'augure rien de bon. Alors, VGE peut-être ? Non, trop sûr de lui. Chirac ? Trop jeune. Le seul qui lui fait peur, c'est Mitterrand. Samedi 30 mars, il décide de rejoindre Claude à Orvilliers, persuadé que l'air de la campagne lui fera du bien, loin des cancans de l'Élysée et de son ambiance morbide. Hélas, la maladie gagne du terrain. Et le lendemain, il n'apparaît pas à la table du petit déjeuner. Alain, son fils, le trouve dans son lit, grelottant de fièvre. Appelé en urgence, le professeur Vignalou pronostique une septicémie foudroyante. Or, Pompidou refuse de se rendre à l'hôpital et ordonne d'être conduit chez lui, à Paris. Là où d'ordinaire il aime travailler en écoutant un disque de Mozart ou de Bach sur son canapé face à la table bleu clin. Alors, en toute discrétion, comprendre sans motard, on l'exfiltre de la campagne. Puis les ambulanciers le montent sur un matelas le long des escaliers et on installe une perfusion pour faire tomber la fièvre. En fin de soirée, les médecins déclarent « Il y a 9 risques sur 10 pour qu'il meure dans la nuit. » Alors Pompidou donne à son fils la consigne suivante « Que ceux qui ont à gouverner gouvernent et que mes collaborateurs fassent au mieux pour faire marcher les choses. » Nous sommes le 2 avril 1974 et tandis que Pompidou agonise, Léon Zitron ironise. « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Monsieur Georges Pompidou a décidé, en raison de son état de santé, d'annuler ses engagements pour les jours qui viennent, a annoncé cet après-midi un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République. Il n'est cependant pas question, indique-t-on à la présidence de la République, qu'un bulletin médical, qu'un bulletin de santé soit publié. En début de soirée, ce jour-là, sur Antenne 2, au bon milieu du film, le journaliste Philippe Arroir apparaît à l'écran. Tête d'enterrement, gravité du ton, il annonce « Le président de la République est mort ». Et pendant ce temps, la radio improvise, comme ici, sur France Inter. François Foucard. Bien, je voudrais d'abord vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris, il était exactement 22 heures, la mort du président Georges Pompidou. Nous allions commencer ce bulletin de 22 heures et puis simplement cette dépêche, une ligne. Le président de la République, Georges Pompidou, est mort à 21 heures, signé professeur Vignel. Vous devinez notre émotion ? Tout de suite, nous avons appris que Madame Pompidou a fait savoir qu'elle était ce soir. Au même instant, tous les collaborateurs du président sont convoqués au palais. En panique, les voilà qui quittent le restaurant, l'opéra, leur famille. Il faut faire vite. Trier les cartons et faire disparaître certains documents afin qu'ils ne tombent pas aux mains d'Alain Poher, le président du Sénat. Car tous le savent, au petit matin, le centriste sera là. Par intérim. Et c'est ainsi qu'à l'aube, le coffre-fort cède aux mains expertes d'un agent des services secrets, sous les yeux d'Alain Pompidou, de Pierre Juillet et d'Edouard Balladur, qui masquent mal leur impatience. Car ils espèrent y trouver le testament politique du président. Oui, avec le nom désigné de son successeur, selon ses dernières volontés, comme si on était en monarchie de droit divin. Quelques mois plus tôt, c'est à Balladur que Pompidou avait remis l'enveloppe, avant d'ajouter dans un demi-sourire « Oh, vous savez, ce n'est pas pour tout de suite. » Mais ce soir, nous y sommes. Or, le président défunt n'a désigné aucun dauphin, et les lettres rédigées dès août 72 ne sont destinées qu'à sa femme et son fils. Ce sont des lettres privées. Seule est rendue publique sa dernière volonté, une messe chantée en grégorien Saint-Louis en Lille à Paris, suivi d'une inhumation au cimetière d'Orvilliers sans fleurs ni couronne. Jeudi 4 avril, 16h. Ministres et députés écoutent l'hommage solennel rendu au président par Edgar Faure, qui salue ses vertus discrètes et fortes. Il invite les parlementaires à respecter sa mémoire, comprendre, ne pas se précipiter dans la bataille pour lui succéder. Peine perdue, évidemment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est une atmosphère étrange. Le temps s'est presque arrêté aujourd'hui entre l'inhumation discrète d'hier et l'hommage officiel de demain. Presque seulement car les jeux politiques ont déjà repris et rien maintenant ne pourra plus les empêcher de continuer. C'est ce que les journaux du matin et les éditorialistes de la radio, certains en tout cas, appellent la guerre de succession. Car avant même la fin de l'éloge funèbre, voilà Chaban qui annonce sa candidature. Une indécence pour certains, qui ne passera pas auprès des Français. D'autant que soudain, Mesmer hésite. Edgar Faure se sent pousser des ailes et Giscard menace. S'inspirant d'une campagne à la Kennedy et souhaitant tourner la page des présidents affaiblis, celui-ci pressent qu'il a ses chances. Mais c'est sans compter sur François Mitterrand, qui en 1971 s'est emparé du PS et qui est parvenu, grâce au programme commun, à phagocyter les communistes et les radicaux de gauche. C'est ainsi que dans les couloirs du Palais Bourbon, le député Lucien Neuwirth propose de façon caustique ce slogan prémonitoire « Mitterrand ou le chaos ». Au bout du compte, Georges Pompidou laissera l'impression paradoxale d'un homme moderne qui pourtant ne changera rien au prix modélisé sur toute la vie politique. Il laissera surtout le souvenir d'une époque où il posait pour les photographes devant les caméras, verre de whisky à la main, clope au bec, au volant d'une Porsche ou devant un tableau de chasse. Autant de marqueurs de ce que fut la première moitié des années 70, si loin de nous pour tout. Pompidou est donc avant tout une incarnation, une nostalgie pour certains, celle des dernières années des Trente Glorieuses. Mais derrière les élans de com et la proximité avec les Français, souvent mis en scène, on ne quitte pas le pouvoir. C'est le pouvoir qui vous quitte. Ou la vie. Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie surprend plus d'un million d'années et toujours en été. En été, vous êtes en plein hiver et vous écoutez Affaires Sensibles dans la série Quitter le pouvoir aujourd'hui. Georges Pompidou, dont nous allons parler avec Christian Delporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des médias. Vous êtes l'auteur notamment du livre L'histoire de la presse en France, 20e et 21e siècle, chez Collin, en 2018. Alors, il y a quelque chose chez Georges Pompidou, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, qui pourtant est frappant quand on le découvre, c'est le côté président normal, c'est-à-dire président normal après le général de Gaulle. Alors un autre président a réinventé le concept, mais c'était probablement plus difficile pour lui parce que est-ce qu'on pouvait être autrement que président normal ou apparaître comme normal dès lors qu'on succédait au général de Gaulle? Georges Pompidou aimait une phrase qui était « Souviens-toi que tu es un homme ». En fait, il a construit toute sa communication autour de cette image de l'homme ordinaire, parce qu'effectivement, il pouvait pas faire autrement. Il n'avait pas la légitimité du général de Gaulle. Il fallait quand même qu'il y ait une continuité du pouvoir. Donc, il a bâti. Ça lui correspondait d'ailleurs assez bien. Il a construit sa réputation sur la proximité. Avec quand même une limite. On a parlé de sa modernité, mais il reste quand même, dans le regard qu'il porte sur les institutions et sur le fonctionnement de la présidence de la République, très conservateur. Oui, bien sûr, c'est un paradoxe à lui tout seul, c'est ce qui en fait aussi un personnage intéressant. Alors on dit qu'il a inventé la communication, la pipolisation de la vie politique. Peut-être, en tout cas, le général de Gaulle, lui, avait inventé la com' politique, mais par les mots. Hein, il était hors de question d'aller voir ce qu'il faisait à la Boisserie, à Colombey, les deux églises, mais par les mots, souvenez-vous des sorties, des mises en scène, des métaphores, des images du général de Gaulle. Il a inventé la com', mais différemment, on est d'accord? On est d'accord, et d'ailleurs, en fait, il y a deux aspects chez Georges Pompidou. C'est quand même la première fois que l'on voit un couple présidentiel en maillot de bain sur la plage. Oui, on ne pouvait pas imaginer ça, évidemment, avec le général de Gaulle. Mais, par ailleurs, il fait des conférences de presse qui ressemblent furieusement à celles que faisait le général de Gaulle. Donc il y a toujours deux aspects, il y a toujours cette dichotomie chez Georges Pompidou. C'est ça, un côté en majesté, et puis un autre côté plus proche du peuple. Est-ce qu'il y a une image pour vous? J'en profite d'ailleurs pour dire que Paris Match, oui, je crois que c'est Paris Match, oui, a sorti un numéro spécial sur la vie intime des présidents, justement, avec des photos saisissantes, surtout des photos oubliées, celles de Georges Pompidou. C'est moins frais dans notre mémoire que pour les autres, et on le voit en train de pêcher, je pense que c'est en Bretagne, il pêche avec un filet. Oui, à côté de Fouesnant. Voilà, des Fouesnant. qu'est-ce que vous pensez de cette image, par exemple? Parce que elle est comme, c'est de la com, mais il y a rien de bling bling là-dedans, pas du tout. Non, absolument. C'est Georges Pompidou, vous l'avez évoqué, qu'au début où il était Premier ministre, allait beaucoup à Saint-Tropez. Et Général de Gaulle lui avait dit, un Premier ministre, ça va pas à Saint-Tropez, ça passe ses vacances en Bretagne. Il avait bien retenu la leçon. Hein. Et il en avait construit effectivement un message politique qui l'a servi par la suite. Est-ce qu'on peut dire que Claude Pompidou a aussi inventé le concept de la première dame moderne? Ce qui n'était pas, et c'est aucun irrespect envers elle, hein, l'image d'Yvonne de Gaulle, évidemment. Oui, alors c'est pas la première dont on dit qu'elle est la première dame, puisque la femme de Vincent Auriol, on le disait déjà à cette époque-là pour elle. Mmh. Mais c'est surtout que elle s'exprime, on la voit, alors que Yvonne de Gaulle était très discrète, vraiment à l'arrière-plan. Et lorsque Georges Pompidou est élu, ici Paris, le journal à scandale, publie en une photographie de Claude Pompidou en maillot de bain sortant de la piscine. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et c'est, d'une certaine manière, renvoyé à l'image des Kennedy. Oui, parce qu'on a bien toujours sûr. Ce mythe-là dans ces années-là, le couple présidentiel. On a un vrai couple présidentiel avec les Pompidou. Et puis avec le marqueur Bibiche. Bibiche, ça fait beaucoup hein, pour l'image. On rappelle, on l'entend surnommer sa femme, Claude Bibiche, lors d'un reportage où ils sont chez eux, je crois. Ils sont à Cajard, et puis il boit un whisky, je crois qu'il demande à Claude. Alors le whisky, il le voit à l'Élysée, parce qu'en fait, le reportage est filmé dans deux endroits différents. Bon, en tout cas, il dit bien Bibiche, et les Français, entendent bien ce petit mot qui humanise le président de la République. C'est intéressant, c'est réussi ça, de votre point de vue? Ben, effectivement, c'est le président qui leur ressemble. Et d'ailleurs, il est très populaire. Hein. Georges Pompidou est très populaire, il est aussi populaire que le général de Gaulle, au moins au début de son mandat. Ce qui fait que les choses peut-être changent un peu dans sa manière de communiquer, dans la manière de se comporter. C'est évidemment la maladie. Et puis, c'est également la crispation qui est liée à la proximité des législatives de 1973. Donc, il y a deux moments dans le septennat raccourci de Georges Pompidou. Il y a les premiers mois, les premières années, qui sont des années d'ouverture. Et puis, il y a le repli qui commence à partir de 72. Mmh. Et de manière très caractéristique, à partir du moment où Georges Pompidou se sépare de Jacques Chaban-Delmas. Alors, il y a aussi l'art, la modernité. Donc, Pompidou, elle, c'est pas forcément une attitude, hein, c'est apparemment sincère. Georges Pompidou aime l'art, il aime l'art moderne. Ça aussi, ça fait un contraste avec le général de Gaulle. Comment les Français l'ont-ils reçu, cette modernité-là? Alors d'abord, c'est vrai que Georges Pompidou a des goûts à l'origine assez classiques, notamment en littérature, et que c'est Claude Pompidou qui fait évoluer ce regard sur l'art contemporain. Mm-hmm. Ça participe effectivement. Alors je suis pas sûr que ça émeuve considérablement l'opinion publique, mais en revanche, ça lui donne une ouverture sur le monde de la culture que le général de Gaulle ignorait un peu, il faut bien le dire, malgré la présence d'André Malraux. Mmh. Alors, on peut faire un peu d'uchronie. On peut estimer que, par exemple, Georges Pompidou aurait aimé Billie Eilish, tiens, qu'on va écouter maintenant. Pour Billy Bossa Nova, on se retrouve juste après, bien sûr. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know, I know. It might be more of an obsession. It really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something. Billie Eilish dans Affaires Sensibles. C'est toujours aussi brillant. Billie Eilish, évidemment. Christian Delporte, on va reprendre notre conversation autour de Georges Pompidou. Allez, un dernier moment sur l'homme. On parlera après du secret, le fameux secret d'État. Donc, une considération plus politique. Je vous propose d'écouter une archive émouvante et sympathique de Georges Pompidou. Lorsqu'on sait que 100 jours plus tard, il mourra. Nous sommes le 12 décembre 1973 et les Pompidou reçoivent des enfants pour Noël. C'est le fameux Noël à l'Élysée. À l'issue du spectacle, le président de la République tint à s'adresser à ses jeunes invités. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Je sais que parmi les raisons qui vous ont amené ici, qui ont amené à vous choisir, il y a le fait que vous êtes de bons petits élèves. Il faut... Oui. Peut-être pas tous, peut-être pas tous. Bien. Et puis, il faut être de bons petits Français, hein. Alors, nous allons chanter, non pas Vive la rose et le lilas, mais Vive la France et les enfants de France. Et bonne année à tous. Et maintenant, distrayez-vous. Le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. C'est ce que vous allez penser pendant quelques jours. Voilà, toujours ce mélange de classicisme, les enfants de France, et puis un petit peu d'humour. Quel homme était-il? Que sait-on de lui, de son caractère, de l'homme privé aussi de son caractère qui a influencé forcément son action publique? Que dire, c'était à la fois un homme qui avait beaucoup d'affection, beaucoup d'empathie pour les autres. Et c'était également un homme très autoritaire dans sa vie politique. C'était surtout un homme qui aimait beaucoup sa femme. Et c'est pour ça que je dis que le couple Pompidou est un symbole dans ces années-là. Alors il y a cette phrase confiée à son ministre de la Culture, Maurice Druon, qui aurait dit peu avant sa mort, il aurait dit à Druon, plus je vais, plus je suis persuadé que le gouvernement doit être exercé par des littéraires. Alors on a connu un président littéraire qui mettait ça beaucoup en avant, qui avait une culture profonde, la littérature c'est Mitterrand évidemment, Georges Pompidou également, on peut dire que c'était notre deuxième président littéraire. Ah oui, on peut le dire, hein. Il est l'auteur d'une anthologie de la poésie française. Ah oui. Il avait l'habitude, à chaque conférence de presse, de terminer par un vers d'un des grands poètes français. Oui, c'était un vrai littéraire. Bien, nous allons passer, vous êtes historien, mais vous vous êtes intéressé bien sûr à la presse et à la communication politique. Et là, par rapport à la presse, là, il y a une vraie question politique, c'est celle du secret d'État qui va perdurer jusqu'à François Mitterrand, pour les mêmes raisons d'ailleurs, des raisons de maladie. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Est-ce que nous sommes dans une culture journalistique et professionnelle française, spécifiquement française, pas anglo-saxonne en tout cas, qui consiste à dire, il y a une frontière qu'on ne doit pas passer, celle de la vie privée, alors qu'on est dans des secrets polichinelles? Oui, il y a une attitude, je dirais, morale de la part de la presse, cette presse qui accepte ce que l'on appelle depuis le 19e siècle le mur de la vie privée, et notamment dans deux domaines, la question du sexe et la question de la maladie. Et puis il faut bien le dire aussi, les limites à l'exercice. Il y a la loi. N'oublions pas que Georges Pompidou a été le premier président de la République à faire voter une loi sur la vie privée. C'était en 1970. À la suite, il avait encore en tête, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'affaire Markovic et les faux clichés qui avaient circulé sur son épouse. Mmh. Et puis il faut se dire également, c'est un problème de proximité avec le pouvoir de la part des journalistes. Celui qui va parler, celui qui va évoquer quelque chose que ne veut pas que le président ne veut pas qu'il se sache, eh bien, lui et son journal vont être exclus du cercle. C'est extrêmement compliqué d'avoir accès au président de la République. Donc, si on parle trop, eh bien, on est de facto exclu. Et c'est là également un peu paradoxal, parce qu'on est, rappelons-le, dans l'âge d'or, non pas de la presse qu'il avait connue avant, mais l'âge d'or des news magazines, notamment l'Express, avec des dirigeants emblématiques comme Jean-Jacques Servan-Schreiber, François Giroud. Et là, malgré ça, ça passe pas, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on peut parler effectivement de l'intimité des hommes au pouvoir. On peut parler finalement de ce qu'ils veulent bien dire d'eux-mêmes, la manière dont eux-mêmes envisagent leur sphère privée dans la sphère publique. Mais on peut pas aller au-delà. Et il y a, je dirais aussi, une certaine vision de ce qu'est la vie politique, et ce serait sans doute un déshonneur pour les journalistes de trop en dire. Voilà, ça s'appelle l'autocensure, tout simplement. Ça peut s'appeler comme ça. C'est la définition d'autocensure. C'est une vision du métier à cette époque-là. Oui, mais qui s'y raccroche, Christian Delporte. Merci en tout cas, merci infiniment de nous avoir apporté vos éclairages sur cette époque de la France. Merci, au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Georges Pompidou, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.